voulais faire la guerre à ces putes. Donc j'ai sorti les outils. Frère, moi je ne comprends pas. Dis-moi qu'est-ce qu'on a tous à sucer Poutine. Ces temps-ci je me sens possédé. Chaque jour le chétan est là. On va te tirer dessus tout en chantonnant cette année-là. Une balle dans la tête de mon pote. Je suis un homme donc je ne pleure pas. Il m'a dit casse-toi ou je t'allume. Je suis un homme donc je ne pars pas. Y'a de la vodka dans mon verre. Y'a de la beuh dans la massa. J'ai volé la voix à Garou. J'ai volé le corps à NASA. Tu m'invites chez toi mon ami, je m'en balèque, je mets les pieds sur la table normale. Je sais que tu m'aimes pas mon ami, je m'en balèque, ne crois pas que pour ça c'est normal. À l'époque je tirais sur eux, et par Dieu que je les ratais pas. Voilà que je rappais mieux qu'eux, crois-moi et ça même quand je rappais pas. Ils se demandent pourquoi je suis serein, monsieur comme mon ami connaît la réponse. Ils font les voyous, c'est pas grave, on les baise, on a de quoi faire grossir sa riposte. Le soir je me pose des questions, dites-moi qu'est-ce qui est haram au juge. Pour éviter la prison, est-ce que c'est réel de mentir à la juge. Mes potos ils m'ont jeté l'œil, Seigneur faudrait que je fasse la salade. Avant je te donnais ma vie, aujourd'hui je te passerai même pas le salam. 200 000 euros c'est pas mal, à la base je suis fils de maçon. Pour monter la pente j'ai braqué, quand je te dis que j'ai pêché je te parle pas de poisson. Et j'entends vos rumeurs de je suis, ce coup là ils ont frappé fort. Je me suis fait douiller dans le nord, aux dernières nouvelles j'étais mort. On me regarde bizarre au GMR comme le brave du diable ou la pire des bestes. Oh que j'ai fait de la musique mais dites-moi c'est lequel qui a volé la caisse. Un bouquet de fleurs pour ma femme. Un 9 mm pour ma fille. Chaque jour que je fais, je m'affirme. Y'a que devant papa que je m'affirme. Qui était là quand pour dîner, nous on mangeait des presses. Quand maman se faisait à 6h, on rentrait armé, cagoulé dans la presse. Ils vont dire que c'est eux qui m'ont fait, donc pour toi écoute bien. À part Maurice, n'a ma paix, aucun d'eux m'a donné de coups de